Il existe des traîtres, des gens qui t'apprécient parce que ta face est sur un CD. Mais pour nous, ça passe ou ça casse, mec. C'est où ça passe ou ça casse. Vraiment c'est ma vie, c'est qu'on masse. Dans ce monde rempli de grognasses, plein de tasses, de man qui en veulent qu'à ma face, ma caillasse. Si les gens pouvaient s'apercevoir que si je persévère, c'est pour mon persévère, persévère. Un nouveau style de vie à peine se voit. Le pire sévère, où allons-nous? Plus pire sévère sont pas du hasard, t'es mat devant nous. L'instant où les gens se pressent de blaster, c'est garou. Les coups de grâce faudra encaisser. Et si tout se casse, jamais je me casserai. Comprends, y'a trop de caillasses, car y'a pas moyen qu'on se casse. C'est où ça passe, où ça casse. Moi, moi c'est ma vie, c'est qu'on masse. Dans ce monde rempli de grognasses, plein de tasses, de man qui en veulent qu'à ma face, ma caillasse. Ici c'est une longue histoire comme les deux frères Sissi. Ainsi ça pourrait ramener de la maille sans aucun souci. En suçant, peut-être pas non, rien qu'en faisant du son. Et nique sa mère si on rate, c'est pour nos frères de sang. À 200% c'est pour ceux qui savent pas que c'est pour s'en sortir qu'on fait que ça, ainsi pour le kiffer. Si ça te déplaît, pars bien ou tu seras maltraité, t'es un chien. Maintenant t'as le choix, rien de s'oublier, Sacha. Jamais je roulerai en deux sur les six. Tout ça pour le sexe, non, j'attends pas après les autres. Surtout qu'ils veulent que je me vautre. Je veux fonder une famille, mais pour ça faut trouver la bonne femme. Ne pas créer famine car tout est infâme. C'est où ça passe, où ça casse. Moi, c'est ma vie, c'est commencé. Dans ce monde rempli de grognasses, plein de tasses, de man qui en veulent qu'à ma face, ma caillasse. Sur ma vie, même si je meurs, jamais ma mère aura des remords. Merde, non, porte la mère à sa mort. J'offrirai un port de malheur, mais à l'heure qu'il est, je porte les mêmes portes depuis des années. Quant aux amis, jamais bougeront pour moi comme sur des années. Allez, allez, où ça va. Je vais pas dire que je le savais, tous pensent que pour moi ça va. Mais si seulement ils savaient, qu'il n'y a pas grand chose qui me sauvera. De toute façon, ça se verra, qui vivra verra. Peu de gens nous ont dit Inch'Allah. Où je me sentirai bien, ce sera dans le royaume d'Allah. Où le bien est plus que bien, où le bon est plus que bon. J'essaye d'éviter les coups bas, n'est pas un poudre de zèle comme les Cubains. Gars, c'est le rêve d'un mec comme moi. C'est où ça passe, où ça casse. Moi, ma c'est ma vie, c'est commencé. Dans ce monde rempli de grognasses, plein de tasses, de man qui en veulent qu'à ma face, ma caillasse. C'est où ça passe, où ça casse. Moi, ma c'est ma vie, c'est commencé. Dans ce monde rempli de grognasses, plein de tasses, de man qui en veulent qu'à ma face, ma caillasse.